Ouais. Mais c'est dur pour l'ego de fonctionner de même. Parce que l'ego a toujours besoin d'un support. Il faut que ce soit fait graduellement. Dans ça, l'homme passerait par une dépression psychologique. En détruisant les forces, la réception de leur énergie passée par le vent fait que se concentrer après ce sujet. Ça dépend de chaque concept que l'homme compte. Mais ça prend à toi, c'est une autre chose. Parce que c'est la discussion de l'homme. Chaque forme dans le champ, dit ça 2 plus 1 pour se faire 3 au début, pas grave. Il y a besoin d'une forme. Ça veut dire que si tu ne penses pas, tu n'as pas aucune curiosité. Bien évidemment. C'est pour ça, quand tu ne penses pas, tu n'as aucune curiosité. Ça reste bien quand tu ne peux pas des choses qui sont vraies. Je ne pensais pas à des choses qui sont. Ça, c'est votre cas. Les hommes sont faits différemment, mais tout ça. De personne. Mais individuellement, personnellement, quand tu ne peux pas passer, tu ne peux pas poser de questions, tu n'es pas intéressé à rien. Ben, t'es bête. Et une destruction de toi, on peut automatiquement arriver des questions en changeant de l'émotion. Ouais. C'est ça qui sait, il faut passer par question. C'est un bel atelier. Oui, monsieur. Ce qui est important ici, c'est que le fait des gens qui ne parlent pas à leur niveau. Le fait des gens qui parlent, parce que c'est la seule façon qu'ils vont aider à détruire les formes des autres. Une forme, c'est de faire de l'aspirateur qui doit avoir la direction qui est présente. Lorsqu'on parle, tellement on parle pas, c'est difficile pour lui. Et celui qui sort, qui pose une question sincère, il devient récepteur à une réponse qui est vibratoire. Ça fait plusieurs instruments. Quand tu lui poses la question de pouvoir le voir, ça fait vibratoire. Vibratoire, c'est pour ça que tu permets de te poser des questions.